L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur va pour toi, femme. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin j'ai accepté, redonne mon cœur, sans rien attendre, au pouvoir apprendre, sans peur ni doute, oh chérie. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose suit, ma vie est faite pour toi. Ah oui, pour toi je vais déplacer la nuit pour mettre le jour. La ligne on a coupé dans la tente, c'est l'amour. Je t'aime, I love you, ma dis-moi, c'est l'amour. Si l'amour n'existait pas, je l'aurais créé pour toi, oh maman. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, même si le lendemain est fait d'un peut-être. Une chose est sur mon cœur, ma pour toi. J'ai effacé ton passé pour écrire ton futur. Car ton passé est passé, il est passé. Le préfet Bernard Okalia est témoin. Ah oui. Je te sais si fragile, oh mon amour. Mais je te promets ton cœur en sécurité. Avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Je me suis sans point prendre à t'aimer avec un lendemain très ensoleillé. Une chose est sur mon cœur, va pour toi. Avec un lendemain plein de lumière. Une chose est sur ma vie, elle fait pour moi. Je me suis inscrit à l'école d'amour. Simplement pour apprendre à t'aimer avec un lendemain sans aucun peut-être. Une chose est sur mon cœur, pas pour toi. Avec un lendemain qui est très certain. Une chose est sur ma vie et fait pour toi. Le ciel qui est de moi.